Bonjour les petits papous. Vous pouvez pas vous endormir avant que je vous ai raconté une histoire. La marche de l'histoire. Jean Lebrun. La planète des contes, aujourd'hui, le troisième épisode, le petit Pousset. Il était une fois le petit Pousset qui avait 46 ans. Quel désarroi me broie, dit Pousset. Que vais-je devenir? Je suis seul, mes 6 frères sont morts et l'indice Dow Jones est en retrait de 2 points par rapport au précédent exercice. Il ne me reste plus qu'à rentrer chez nous dans l'humble masure forestière où mes parents, les humbles bûcherons, ne manqueront pas de s'esbaudir à mon humble retour. Quand l'adulte, on l'entendait Pierre Desproges, fut-il jamais adulte, revient aux contes de son enfance, qu'il les lise pour lui-même ou qu'il les transmette à son tour, c'est comme s'il retrouvait un noyau obscur que dans son jeune âge les contes avaient atteint et qui, la maturité venant, demeure sensible. Le poète allemand Schiller allait jusqu'à dire qu'il trouvait plus de sens profond dans les contes que dans les vérités incomplètes que lui avait enseignées ensuite la vie. Le petit Pousset, en particulier, met celui qu'il entend enfant en face des difficultés qu'il connaîtra plus tard. La peur de l'abandon, l'angoisse de la séparation, le sentiment de la fragilité devant plus grand que soi. Mais, une fois les épreuves franchies, le petit Pousset est le gagnant. Il ouvre la voie à tous les dépendants qui veulent devenir indépendants, à tous les dominés qui veulent s'émanciper. Bonjour Bernadette Bricout. Bonjour Jean Lebrun. Notre guide, toute cette semaine, l'auteur de La Clé des Contes aux éditions du Seuil. Si vous étiez une sorcière, vous auriez un chaudron. Mais comme vous êtes professeur de littérature orale, je m'amuse de votre titre quotidiennement, vous avez des contes plein les mains. Oui, j'ai des contes plein les mains et c'est vrai que de toute manière, on va parler du petit Pousset, donc on va parler d'une histoire de doigts. Mais le premier enseignement du conte, c'est peut-être de nous amener à regarder autrement les objets qui nous entourent. Et d'abord notre corps. Et quand on regarde une main, on s'aperçoit que dans la main, il y a des tertres, il y a des cales, il y a des cicatrices. La main est un paysage. Et les doigts sont un théâtre, qu'on utilisait d'ailleurs dans les théâtres d'ombre autrefois. Or, il me semble qu'il y a des points communs entre notre main, où s'écrit peut-être notre ligne de vie, et le conte, parce que dans la toile des contes, eh bien, s'impriment des ornières, des lignes de vie, qui sont peut-être précisément le trajet de ces héros de contes que l'on suit dans leurs aventures. En tout cas, dans Le Petit Pousset, il doit bien être question des doigts de la main, et d'un d'entre eux, Michel Serres, dit qu'un conte, c'est un jeu autour d'un mot. Alors, le mot « pousse », Le petit Pousset, ça vient de pouce, ou comme trois pommes, ou comme un pouce. Mais enfin, quand on y regarde de plus près, le petit Pousset, il devrait être désigné par le petit doigt, par l'auriculaire. Oui, vous avez raison, parce que c'est vrai que le pouce est le plus gros et le plus fort des doigts de la main. D'ailleurs, il y a bien des langues qui nous disent que c'est le doigt mâle. Et l'homme a 21 doigts, les persans nous le rappellent. Je m'allonge au soleil et je dors mes 21 doigts, dit un ami persan à l'heure de la sieste, ce que les femmes, évidemment, ne peuvent pas dire. Mais en même temps, donc, ce pouce, c'est un gros doigt, mais c'est un gros doigt qui est le père de tous les autres. Sans lui, d'ailleurs, la main ne peut pas faire pince. Sans lui, les autres sont perdus, ils sont pratiquement inutiles. Et c'est bien le sort de ce petit Pousset dans le conte des enfants perdus dans la forêt, est un peu le père de tous les autres. Mais en même temps, il y a le petit doigt, l'auriculaire, qui est le doigt de l'oreille, qui est très souvent, d'ailleurs, dans les comptines enfantines, le laisser pour compte, le malheureux. La petite cocotte a fait son cocola. Celui-là l'a trouvé, celui-là l'a fait cuire, celui-là l'a épluché, celui-là l'a mangé, et le pauvre petit tout petit n'a rien eu du tout, du tout, du tout. Oui, enfin, votre théorie sur la rivalité fraternelle des doigts serait plus probante si Perrault, puisqu'on pense toujours à sa version classique, n'avait peut-être pas simplement commis une erreur ou provoqué un glissement, parce que est-ce qu'il voulait pas parler de la puce? C'est un glissement fréquent dans les contes. C'est vrai que le Pousset dans la tradition orale, renvoie à deux histoires différentes. Celle des enfants perdus dans la forêt, qu'on connaît par Perrault. Et il est vrai que son petit pousset a, avec la puce, c'est une énigme étymologique, bien des points communs, puisque quand il prend les bottes de sept lieues, eh ben, il saute, et on le voit d'ailleurs dans les illustrations enfantines, très souvent, comme une sorte de puce à ressort. Il a de la puce, la dextérité, la maîtrise de l'espace, l'invisibilité aussi, et puis il taraude ceux qui l'entourent. Et puis il y a le petit pousset, il y a un autre pousset, qui est l'enfant avalé par les animaux. On y viendra tout à l'heure, mais le conte commence avec le nom. Voici trois versions qu'on va faire défiler. Trois noms différents. D'abord, celui de Perrault. Le plus jeune était fort délicat et fort petit. Et quand il vint au monde, il n'était guère plus gros que le pouce. Ce qui fit qu'on l'appela le petit pousset. Mon bégramillier, c'est un petit garçon qui vit dans une maison isolée sur une colline. Et puis il est né en criant « Hourra, hourra, je suis là, c'est moi que vous attendez ». Et son père, voyant sa petite taille, avait prévu un berceau avec quatre allumettes et une dame de quatre barbes qui avait un compte-goutte dans son sac est allé rapidement le nettoyer et ça lui a servi de biberon. Plampouni, ça veut dire la hauteur d'un poing. Il y avait un vieux et une vieille là-bas à Courbière. C'est la ferme qui est à côté de Saint-Ursise. Ils étaient tout seuls, il fallait qu'ils fassent leur pain. La petite vieille, elle laissait la porte ouverte. Elle avait des poules. Et puis alors ces poules venaient becter la pâte, alors elle disait, oh quand même, si le bon Dieu m'avait donné au moins un petit enfant, même comme mon poing, je l'appellerais Plampouni et j'y donnerais un bâton avec une petite ficelle au bout et ce petit Plampouni me ferait partir les poules, au moins je ne serais pas embêté comme ça. Alors tout à coup, il est sorti dans sous le pétrin, un petit enfant qui m'a dit, je suis là maman. Et le petit Plampouni, il s'est mis à mettre les poules dehors, ça m'a bien soulagé. On entendait Mathieu Bonheur conter Grain de Millet et Maria Girbal, qui était une conteuse de l'Aubrac dans le Massif central, en 1971, recevait la superbe émission Les Conteurs d'André Voisin. Plampounet, lui, c'était un enfant désiré. La mère, elle attendait quelqu'un qui pouvait chasser les poules sur la terre battue de sa maison. Plampounet, c'est un enfant désiré. D'ailleurs, souvent, il a été fabriqué, comme le rappelle Maria Girbal, dans un morceau de pâte, parce que sa mère l'a pétri et qu'il a le visage du rêve de la mère. Mais souvent aussi, il peut être né, il peut avoir une naissance végétale. Par exemple, quand il s'appelle Grain de Millet, eh bien, c'est souvent la mère qui, en préparant des grains de millet pour leur pas, a dit « Ah, si seulement c'était des enfants, les grains de millet sont revenus dans le panier, sauf un qui se met à vivre et qui est auprès d'elle. » Ça nous rappelle d'ailleurs que le grain, pas le grain de millet, mais le grain d'orge ou le grain de blé, avant le système métrique établi en 1790, c'était la 12e partie du pouce. Vous voyez, donc ça nous renvoie à un temps où la petitesse des choses se mesurait à l'aune d'un grain de blé. Et peut-être que de ce point de vue-là, ça nous oblige, là encore, à regarder le monde autrement. Et ça nous renvoie à un temps où il était pensable que l'enfant naisse d'un désir. Désir. Oui, c'est vrai. Qu'il naisse d'un désir et d'un désir de femme. Je crois que tous ces contes nous renvoient à un mystère de la naissance. À peine naît-il qu'il est doté de parole et qu'il est apte à aider sa mère, comme on le voit dans la version de l'Aubrac. Oui, mais dans la version de Perrault, revenons à elle, on est dans une économie de subsistance. Et les parents du petit pousset, c'est pas que ce soit de mauvais bougres nécessairement, ils sont dans la pauvreté et une catastrophe les amène à la misère et à la disette. C'est pour ça qu'ils vont abandonner le petit pousset. Oui. Ce conte des enfants perdus dans la forêt, d'ailleurs, dans les versions orales comme dans la version de Perrault, c'est vraiment un conte de la famine. C'est un conte du temps où l'on n'avait rien à manger. C'est un conte où l'on pouvait dire « si tu as faim, mange ton poing et garde l'autre pour demain ». Que si la faim encore te tient, mange ton pied et garde l'autre pour danser. C'est l'idée que, à un certain moment, si vraiment on n'a pas de quoi manger, on va devoir peut-être non pas manger l'autre, mais en tout cas l'exclure parce que, d'ailleurs, les parents disent, mieux vaut encore les perdre dans la forêt plutôt que de les voir mourir de faim. Mais en même temps, dans les versions orales, quand les enfants conduits par le petit pousset qui a semé ses cailloux blancs reviennent à la maison, alors qu'ils sont dehors dans le froid de la nuit, ils entendront souvent le bruit de mâchoires des parents qui, protégés par la maison, sont en train de manger le gâteau de farine. Dans la version de Pérou, ils font un repas de viande. Donc, quand les enfants sont perdus, quand les enfants ne sont pas là, les parents mangent, ce qui est évidemment une lecture assez sombre du conte. Avant qu'il ne revienne à la maison familiale, il a fallu que le petit pousset et ses frères subissent beaucoup d'épreuves. Alors, le conte présente un gamin tout petit, pour qui tous les adultes sont des géants, puis il y a des géants encore plus grands que les autres. Nous sommes ici dans une version bretonne, enregistrement par la RTF en 1951, Yvon et Finette. Quelle est donc cette énorme maison qui se dresse sur la lande et dont les portes n'ont pas moins de 20 mètres de hauteur? Et comment me faire ouvrir? Le marteau est si haut que je ne l'atteindrai jamais. Qui diable peut bien habiter là? Oh là! Y a-t-il quelqu'un? Qui êtes-vous? Un géant. Que voulez-vous? Je suis Yvon. Ah, vous tombez juste, jeune homme. Par ma foi, j'aime beaucoup la chair fraîche. Je vous mangerai. Hélas, mes pauvres enfants, où êtes-vous venus? Savez-vous bien que c'est ici la maison d'un ogre qui mange les petits-enfants? Hélas, madame, lui répondit le petit pousset qui tremblait de toute sa force aussi bien que ses frères. Que ferons-nous? Il est bien sûr que les loups de la forêt ne manqueront pas de nous manger cette nuit si vous ne voulez pas nous retirer chez vous. Et cela étant, nous aimons mieux que ce soit monsieur qui nous mange. Peut-être qu'il aura pitié de nous, si vous voulez bien l'en prier. La femme de l'ogre, qui crut qu'elle pourrait les cacher à son mari jusqu'au lendemain matin, les laissa entrer et les mena se chauffer auprès d'un bon feu. Car il y avait un mouton tout entier à la broche pour le souper de l'ogre. Version Perrault. Jacques Gamblin, le lecteur. Enfin, l'ogre n'est pas si malin que ça. On a envie, quand on est un gamin, de le défier. Et d'ailleurs, on le défie. Il y a toute une série de contes facétieux que la tradition orale aime beaucoup et qui s'appellent les contes de l'ogre stupide. Et en général, cet ogre stupide, de surcroît, il a de mauvais yeux, il n'est pas aveugle, mais il est bigleux, il y voit mal. Et donc, il tombe dans tous les panneaux que l'enfant lui tend. Très souvent, d'ailleurs, l'enfant le défie, parce que l'enfant, le temps de l'enfance, c'est celui de l'impertinence et de la subversion, évidemment. Il va, par exemple, lui demander de jeter une pierre très loin. Alors, l'ogre jette une pierre au ciel, et l'enfant prend dans sa main un oiseau, qui, évidemment, ira plus haut que la pierre, et l'ogre ne voit rien. L'enfant lui dit, veux-tu que nous cassions un caillou? Prends une pierre. Et l'ogre la réduit en poudre dans sa main, alors que l'enfant prend un fromage blanc et le presse. Et il dit, tu vois, moi je peux faire pleurer les pierres, ce que tu ne sais pas faire. Et bien entendu, à chaque fois, de toutes ces ruses, l'ogre est dupe. Donc, ogre stupide, mais ogre qu'il faut défier aussi pour devenir grand, pour devenir un homme. Et on ne doit pas oublier quand même que cet abandon des enfants perdus dans la forêt, c'est aussi à un certain moment un abandon nécessaire. Il faut pouvoir couper le cordon pour que l'enfant se confronte à des difficultés et devienne à son tour un homme. Petit pousset, c'est mignon, pas plus gros qu'un champignon. Tu vivais avec tes frères dans une pauvre chaumière. Mais votre cher vieux papa, bûcheron de son état, miné par le poids des ans, n'avait plus un sou vaillant. Ne pouvant plus vous nourrir, décida d'en finir et vous perdit dans les bois en espérant Dieu sait quoi. Petit pousset si malin, tu as marqué le chemin par les petits cailloux blancs que tu semais en marchant. Mais je ne sais quelle erreur fit tomber par malheur chez un ogre très méchant et qui mangeait les enfants. Il fait les bons fantastiques avec ses bottes magiques. Mais toi le petit futé, tu les as déjà chippés. alors tu peux t'envoler. De la gloire et les succès, toi petit pousset. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Le petit pousset, c'est le troisième épisode de notre série consacrée à la planète des contes avec Bernadette Bricout. Cette chanson, ça illustre beaucoup mieux, au fond, elle est signée Henri Salvador, que certaines gravures, certaines peintures qui vont orner les livres que nous offrons à nos enfants et qui emprisonnent un peu l'imagination de ceux-ci. Oui, c'est Bruno Bettelheim dit ça. Il dit qu'au fond, toute image limite l'idée que nous nous faisons du conte, parce que au fond, notre film intérieur, il est beaucoup plus riche. En général, vous n'êtes jamais totalement d'accord avec Bruno Bettelheim, la psychanalyse des contes de fées. Mais je ne le serais pas non plus, parce que je crois qu'en même temps, je crois au pouvoir des images. Parfois, quand on a appris à lire dans un livre de contes, eh bien l'ogre gardera à tout jamais les traits de l'ogre de Gustave Doré, et il suffit d'une image pour le faire ressurgir. Donc moi, je crois que ce pouvoir de l'image, enfin l'illustration, elle a aussi un pouvoir d'alerte. Et elle est inséparable de ce temps où on regardait le monde avec les yeux de l'enfance, c'est-à-dire parfois de manière beaucoup plus attentive que nous le faisons aujourd'hui. Enfin, le petit pousset, c'est quelqu'un qui va vite, lui aussi. Si vous voulez faire un éloge de la lenteur, c'est pas à lui qu'il faut l'appliquer. Les bottes de 7 lieues, les épreuves multipliées de façon très rapide. Il maîtrise l'espace. C'est un personnage qui maîtrise l'espace. C'est un personnage agile. C'est un personnage habile. C'est un personnage qui a aussi le don d'écouter. C'est un personnage qui est à l'écoute des conversations des parents ou des pas de l'ogre. Et en même temps, il a un don d'anticipation sur ce qui va se passer. L'échange des bonnets de ses frères et des couronnes des filles de l'ogre, ou l'échange des bagues d'or des filles de l'ogre et des bagues de jonc de ses frères, ça se fera dans la nuit et c'est fait par lui. Il anticipe sur les ruses de l'ogre. Il anticipe sur les ruses du puissant. L'enfance, à cet égard, n'est jamais prise en défaut. C'est aussi ça que dit le conte. Enfin, vous négligez, Bernadette Bricout, encore que vous avez évoqué cette épreuve-là, la nuit intérieure totale qu'on connaît quand on est dans l'estomac d'un autre. La version Plampounet, avec toujours notre conteuse de l'Aubrac, au micro d'André Voisin. Mon petit Plampounet, tu es bien gentil. Quand nous aurons fini de mettre le pain au four, tu iras porter la soupe à ton père. Mais oui, maman, je vais le faire. Elle lui met le panier sur la tête parce que lui, il était trop petit. Mmh. Eh ben, le petit a porté la soupe à son père au champ sur la tête. Mmh. Alors bon, il y avait une terre labourée dont on avait planté des choux. Il se met à pleuvoir. Le petit Plampounet, il dit à son père, t'en fais pas, je me mettrai en dessous la feuille d'un chou, te fais pas de bile. Mais les bœufs qui aiment les choux, vous savez, avec sa langue, il attrape la feuille de là où t'es Plampounet. Et il avale Plampounet et puis le chou. Il a tout avalé. Voilà le père qui a fini sa soupe. Alors il se met à crier, Plampounet, où tu es? Dans le ventre du veuf, papa. Pauvre Plampounet. Alors que faire? Et ils ont été chercher le boucher parce que vous savez, il n'y avait pas de boucherie. Et tu le veux? Et alors, ils n'ont pas trouvé, naturellement, il fallait laver les tripes. Vous savez, dans Courbière, là, toutes ces collines que vous voyez, il y avait des loups ici. Alors, le loup est venu et a mangé Plampounet. Il a mangé les tripes, il a mangé Plampounet. Et le pauvre Plampounet, dans le ventre du loup, vous savez, il faisait du tapage. Hein. Il remuait tant qu'il pouvait et puis c'était le loup, malade comme un chien. Voilà qu'il va trouver le renard. Et le renard, il est venu ici, dans les rochers, là. Il y a un tas de pierres, c'est le volcan dans le temps qu'il a eu à Sainte-Urcise. Et alors, le renard lui dit, tu sais, il y a derrière un petit passage. Bien, et toi, tu vas te mettre là, et tu vas forcer tant que tu pourras. Et tu verras que ce que tu as dans le ventre sortira certainement. Alors, voilà qu'il a fait ce qu'il lui a dit, mais seulement, à force de forcer, vous comprenez qu'il a fait le ventre et tout. Alors, il est tombé raide mort, lui, le loup. Et le petit Plantouni oui. est sorti de là, et vous savez, il y avait une fontaine pas loin, elle y est encore, j'espère. Et puis, il a été se nettoyer tant qu'il a pu, tout ça. Il s'est séché, et qu'est-ce qu'il voit ? Un lièvre qui passe. Dans sa maison, dont elle ne sortait plus visiblement en 1971, Maria Girbal déployait tout un bestiaire, le bœuf, le loup malade comme un chien qui va trouver le renard, et ça se termine avec un lièvre. Oui, et vous évoquiez à l'instant cette épreuve que constitue le fait de se retrouver dans l'antre obscur d'un estomac, au plus noir de la nuit. Là, il me semble que le conte de Plampouni qu'on vient d'entendre et celui des enfants perdus dans la forêt se rejoignent parce que tous les deux nous parlent de cette épreuve terrible que constitue le fait de se retrouver seul au plus noir de la nuit, soit dans un estomac de bête, séparé de la voix de la mère ou du père par l'estomac qu'il a avalé, soit dans la forêt obscure qui se referme sur les enfants comme un piège et où ils entendent les loups hurler, soit encore dans la nuit de la maison où l'on entend les pas de l'ogre qui va se promenant en disant « ça sent la chair fraîche ». Et je crois que cette épreuve du plus noir de la nuit, c'est vraiment l'épreuve par excellence que nous traversons aux moments les plus sombres de nos vies. Il y a le beau livre de Boris Cyrulnik qui s'appelle « Un merveilleux malheur » et qui évoque la question de la résilience comme l'art de naviguer dans les torrents. Et il me semble que ces contes nous parlent de ça. Au plus noir de la nuit, tu te sens perdu peut-être, tu es perdu peut-être, mais tu vas apercevoir une petite lumière et tu te sortiras de cette épreuve-là aussi par tes propres moyens, dit le comte, ce qui est quand même une certitude infiniment réconfortante. Oui, mais vous êtes sensible à l'émerveillement, Bernadette Bricout, mais l'intelligence du petit malin Pousset, c'est l'intelligence qui le sauve. Oui, c'est l'intelligence. C'est son esprit inventif, c'est son esprit subtil. Dans le cas du petit Pousset de Perrault, on a vraiment affaire à un enfant qui va non seulement sortir ses frères de cette épreuve par sa ruse, il a placé des cailloux blancs sur le chemin, il arrivera très souvent à tromper l'ogresse, puis à tromper l'ogre en lui dérobant les bottes de cette lue alors qu'il dort. Dans le cas du Plampouni, c'est aussi un enfant qui va très souvent travailler pour ses parents ensuite, guider l'attelage de son père, se placer grâce à son infinie petitesse dans l'oreille du bœuf de l'attelage de son père, d'où il pourra commander aux bœufs qui vont labourer le champ. Soit dit en passant, c'est plus facile avec le petit doigt dans l'oreille qu'avec le pouce. Hein. Ah oui, mais là, c'est la puce, vous voyez. Ah. Il les pique. Là, on retrouve la puce. Il les pique, il les aiguillonne. Et d'ailleurs, il les aiguillonne. Et il est, ce faisant, vous voyez, il y a un moment où on dit que l'enfant devient le parent de ses parents. Mais Françoise Loup dit ça plus joliment. Elle dit qu'il y a un moment où l'enfant est notre père. Et l'enfant est notre père parce qu'il est plus proche de la nuit d'où il vient, des mystères de la nuit, du mystère de la naissance. N'oubliez pas que vous êtes dans une émission d'histoire, alors je voudrais qu'on prenne quelques exemples de petits poussets qui deviennent les initiateurs au XXe siècle, au XXIe siècle. XXe siècle, la crise du phylloxéra. Tout à l'heure, on entendait le petit Mathieu Bonheur. Alors, en fait, le petit Mathieu Bonheur répétait les leçons de son grand-père, le célèbre Gaston Bonheur. Il arrive une grande maladie dans le pays. Il arrive une grande maladie dans les vignes, là. Le phylloxéra. Le phylloxéra. Tout le monde en parlait quand j'étais enfant, et ça avait été la grande tragédie. Et il craint de Millet, où ses parents ne sont pas riches, il ne manque que des vignes, veut le sauver. Justement, les vignes sont au bord de la rivière. Les graines de Millet, il marchait là dans les feuilles, oui. Qu'est-ce qu'il allait voir là alors? Ben la rivière qui est au fond. Et qu'est-ce qu'il y avait dans la rivière? Et ben dans la rivière il y avait des castors. Et alors? Ben il demande aux castors de faire un barrage avec le bois pour inonder la vigne. Et voilà, graine de Millet, il a vu ça sur le bout du journal. Hein, dans un almanach peut-être. Ou dans un almanach, en tout cas il sait que vers Malbonne on a eu ce remède. Et alors tout le monde va admirer, une fois il est venu à bout du loup qui terrorisait le village, là. Il fait de ses parents qui étaient pauvres, les seuls qui échappent en quelque sorte à la catastrophe. Enfin, c'est un petit génie, quoi. Voilà, c'est vrai, hein. Pas tout à fait les seuls, je veux dire, deux, oui. Trois, les rives à côté des ciels. Oui. De l'autre côté de la rivière. Oui, parce que tu ne veux pas qu'ils soient trop égoïstes non plus. Quand même. Gaston Bonheur, qui était toujours attentif aux revenus du patrimoine, donne donc comme exemple de sauvetage au moment de la crise du phylloxéra, il y a un peu plus d'un siècle, l'ingéniosité de Granmillet. Oui. Et en les entendant, on se dit qu'il n'y a pas de hasard, quoi. Que Gaston et Mathieu portent un nom qui évoque la félicité et qui est le goût du bonheur, ça, c'est vraiment un élément qui pourrait s'inscrire dans un conte, mais qui nous parle déjà d'une promesse possible. Michel Serres, je l'évoquais au début de l'émission, il a inventé un nouveau mot, « petite poussette ». Il explique que l'ordinateur, c'est l'équivalent de la maison aujourd'hui, vous êtes d'accord ? Oui. Oui, oui, tout à fait. D'autant que l'ordinateur a des fenêtres, d'autant que l'ordinateur a une clé, d'autant que l'ordinateur... Enfin, on se promène sur l'ordinateur comme dans une maison qui ouvre sur le monde. Et qui sait initier les anciens à l'ordinateur ? Ces petites poussettes, celles dont l'intelligence est au bout des doigts et qui représentent la nouvelle révolution pour Michel Serres, la révolution de la transmission. L'inversion de la transmission. La révolution de la transmission, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'idée que le père ou que le grand-père va apprendre, encore qu'on peut espérer que quelque chose de cette transmission perdure, ce qu'il sait à l'enfant, c'est l'enfant qui va initier les adultes au mystère de la vie. Alors, dans les sociétés traditionnelles, enfin au mystère de la vie, non, au mystère de la technologie, soyons plus clairs. Dans les sociétés traditionnelles, on avait souvent résolu ça. Par exemple, chez les Dogons, on interdisait aux enfants de poser des devinettes à des gens plus âgés qu'eux, de manière à ne pas les mettre en difficulté. Mais nous sommes dans un monde où l'enfant nous renvoie constamment à notre propre faiblesse, à notre maladresse, à notre ignorance. Et le conte parle de ça aussi. Je crois que les sociétés traditionnelles, les paysans avaient intériorisé ça. Il y a un exemple très beau de ça, puisqu'on évoquait à cet instant l'enfant caché dans l'oreille du bœuf et qui les aiguillonne. Savez-vous, Jean Lebrun, qu'en Wallonie, cette superbe constellation que nous appelons la Grande Ourse s'appelait le Charpousset. Et savez-vous pourquoi ? On l'appelait le Charpousset parce que, vous voyez, il y a sept étoiles, les quatre qui sont disposées en carré, qui constituent les roues d'une charrue. C'est en tout cas pour cette raison qu'on l'a appelé le chariot. Et puis trois étoiles presque alignées qui sont les bœufs de l'attelage, en tout cas qui étaient les bœufs de l'attelage pour ces paysans qui voulaient lire dans le grand livre du ciel l'aventure de l'humanité. Et au-dessus de l'étoile du milieu, il y a une toute petite étoile que les astronomes appellent Alcor, mais qu'on appelait le Pousset. Et on voit, c'est en tout cas une hypothèse formulée par Gaston Paris, cette petite étoile comme le Pousset qui va commander au char Pousset, au chariot, c'est-à-dire à la Grande Ourse, ses mouvements dans les champs du ciel. Vous imaginez que notre Pousset devient un Pousset laboureur et qu'il va guider les étoiles. On ne peut pas trouver un meilleur symbole de la pérennité des contes, vous voyez. Mais en même temps, c'est la planète des contes. Mais ici, l'empire du Pousset, il s'élargit à l'univers tout entier. Voilà, c'était La Clé du Conte. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Bernadette Bricout, aux éditions du Seuil. L'enfant conduit les bœufs dans les champs du ciel. Et demain, la guide que vous êtes, avec votre clé, va ouvrir la chambre secrète de... La Barbe Bleue. La préparation de cette planète des contes, Martin Cellier, à la technique Julien Dumont, à la réalisation Jacques Sigal.